On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien Bruno. Je suis content de te revoir encore cette année. Autant que je suis content, autant qu'on n'est pas de la même opinion au niveau football, autant qu'au baseball, on se ressemble pas mal, puis nos opinions se ressemblent pas mal. Fait que c'est bien fun. On va garder ça comme ça. Ouais, effectivement. Bruno, t'as-tu un commentaire sur ce qui s'est passé cette semaine à Montréal avec le bassin pire? Ben écoute, dans le fond, je trouve que ça. Ce qui est bon, c'est que ça avance. Oui, hein? Mon commentaire, ça serait ça, dans le fond, de voir qu'il y a de l'avancement sur le dossier. Maintenant, à savoir, là, il y a plein de débats. Est-ce que le stade est bien orienté, mal orienté? Est-ce qu'il y aura du financement public, pas public, là, Québec solidaire qui s'en mêle, la politique? T'sais, je trouve que tous ces éléments-là, ça a comme mis un peu d'ombre au dossier. Alors que ce qu'on devrait retenir, c'est juste que ça progresse. Donc, ils se sont inscrits au registre des lobbyistes. On va aller de l'avant pour accueillir un terrain. On a eu récemment les résultats d'études de faisabilité. On voit la situation à Tampa Bay qui s'envenime un petit peu. Mais moi, je me focus vraiment sur l'avancement du dossier des expos. C'est sûr qu'il y a des questionnements autour. Puis tu as plein de gens qui sortent, là, autant du politique que du monde sportif, des journalistes qui viennent dire que c'est pas viable aussi ou ça. Puis moi, je suis pas là du tout. Je suis plus au point de regarder ça d'un point de vue purement sportif. Dans le retour éventuel d'une équipe de baseball à Montréal, c'est un pas en avant. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais chaque pas nous mène vers la destination, puis je trouve que c'est un point important parce qu'on commence aussi en identifiant le site, à recréer de l'engouement autour. Toutes ces discussions-là, le monde ne sont peut-être pas d'accord, mais ils parlent de ça. Alors, plus qu'on en parle, plus que ça met de l'engouement, puis ça met de l'intérêt autour du sujet, puis je trouve ça tant mieux. Ben moi, mon seul commentaire, ce que j'ai, évidemment, je connais pas la place. Ce qu'on me dit, c'est que c'est très, très intéressant. C'est une belle place. Il va y avoir un développement. Industrie, développement résidentiel qui va se faire. La seule chose que je regrette, que le niveau politique, c'est normal, c'est la game, que le Québec solidaire, mais moi, c'est les journalistes sportifs, des journalistes connus qui ont des doutes. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas de ça. Écoute, écoute, ils ont voyagé. Bruno, tu as voyagé autant que moi, certainement aux États-Unis. Si Montréal n'est pas capable de se comparer à Pittsburgh, Milwaukee, Baltimore, Cleveland, Kansas City et autres, on a un méchant problème. Fait que, tu sais, c'est le seul commentaire que j'ai fait. Ben, je te rejoins là, puis c'est pas pour rien non plus qu'un baseball majeur vise à revenir à Montréal, parce qu'on l'a vu, c'est une des plus grandes agglomérations en Amérique du Nord qui n'a pas de club de baseball. Puis, tu sais, aussi, on revient souvent sur est-ce que ça va être rentable ou ça va être pas rentable. Tu sais, les gens qui sont derrière ce projet-là, il n'y aura pas beaucoup de financement public dans ce dossier-là. Beaucoup moins que dans certains marchés américains que tu parles. Et il y a de l'argent quand même à faire parce que l'industrie, c'est une industrie qui a des revenus qui sont en pleine croissance. Et puis, tu sais, on parle beaucoup d'un retour, puis on ne veut jamais comparer un retour des Nordiques avec un retour des Expos. Mais dans les deux cas, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est deux marchés qui sont prêts à accueillir des franchises en fonction aussi des revenus que l'industrie génère. Tu sais, les Nordiques, tout seuls dans leur coin, ne peuvent probablement pas générer relativement suffisamment de profits pour être rentables. Mais les Nordiques, dans le marché complet de la Ligue nationale de 2019, sont capables de s'intégrer et de générer beaucoup plus d'argent dans l'industrie qu'une équipe, par exemple, comme les Panthers, tout comme les Expos 2.0, dans l'industrie du baseball majeur, va générer beaucoup plus de revenus qu'une équipe comme les Rays de Tampa Bay. C'est pas pour ça que ça. On le regarde beaucoup plus maintenant sur l'industrie que sur chacune des franchises, ce qui fait que, dans mon sens à moi, autant que le retour des Nordiques que les Expos vont être viables pour l'industrie. Ben moi, écoute, il y a beaucoup de monde qui sont d'accord en 2004, hein? Qui sont même pas au courant des nouvelles réalités du baseball, que le baseball a changé depuis le départ des Expos. Puis, by the way, là, en 2004, là, on a tué cette concession-là. C'est carrément ça. Le Montréal, ça aurait pu marcher. On a complètement tué la concession. C'est ça qui est arrivé. Là. Bref, on va en parler longtemps. Deuxième commentaire que je veux te parler de Vladimir, qui, évidemment, le camp d'entraînement des Blue Jays est commencé. Hier, déjà, Ross Haskins nous a déjà préparé à ce que Vladimir commence l'année à Buffalo. Il dit on va être prudent, on va être ci, on va être ça. C'est pas ça la vraie. La vérité, c'est que c'est l'arbitrage. C'est la maudite année d'éligibilité que les Blue Jays perdraient s'ils feraient grimper Guerrero trop rapidement. On l'a vu l'année passée, c'est plus mois de juillet l'année passée que Guerrero devrait être dans les majeurs. C'est va falloir ça que la prochaine convention collective, que ce soit réglé cette affaire-là. Ah oui, c'est un point d'importance pour les joueurs aussi. Puis j'écoutais hier Keith là qui parlait un petit peu de ESPN par rapport au dossier. Puis ce qu'il disait, c'est que même lui, il parlait d'avril de l'année passée. Tu sais, on le voyait dans le camp d'entraînement l'année passée que Vladimir était prêt à jouer. Puis lui, son point de vue, c'était du point de vue du développement du joueur. Est-ce qu'on nuit à Vladimir, justement, de le faire jouer contre un niveau, exemple, au bâton, où il est clairement prêt à jouer des majeurs? Est-ce que ça lui nuit de jouer une année de plus dans le 2A et dans le 3A? Et est-ce qu'en bout de ligne, même si tu sauves une année, on va dire l'hypothèse que les Blue Jays, on pense que c'est ça, là, veulent sauver une année avant qu'il soit joueur autonome, donc d'un point de vue business, ça fait du sens, mais est-ce que Vladimir va être un moins bon joueur à terme à cause de cette perte de talent dans les mineurs? Ça, bien, éventuellement, ça va avoir un impact monétaire aussi parce que les Blue Jays ont peut-être moins de mineurs, vont avoir moins de monde dans les estrades. Il y en a un point intéressant sur la discussion que juste l'année de service, qui est vraiment l'élément clé qui va faire en sorte que Vladimir va être retardé. Puis c'est pas juste lui, je pense entre autres à Eloy Jiménez avec les White Sox de Chicago. C'est pas Chris Bryan aussi avec les Cubs de Chicago que c'est arrivé la même histoire. Hein? Exactement la même histoire. Donc, ouais. On voit qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés plus tôt. Je pense à Bryce Harper, entre autres, qui se ramasse agent libre complet là, au milieu de la vingtaine. C'est parce qu'il est arrivé très, très, très tôt. Mais la plupart des joueurs, on décide quand même de pousser au maximum l'élastique par rapport à la durée de service. Et ça va être un élément important de la prochaine convention. Puis on va en reparler parce que, évidemment, il y a des gros joueurs qui ne sont pas encore signés. Il y a des joueurs qui ont signé des contrats, entre guillemets, à rabais. On voit que la guerre est vraiment enclenchante entre les propriétaires et les joueurs. Puis ça va faire un petit peu partie de la réflexion du côté des joueurs, à savoir c'est pourquoi on va se battre. Est-ce qu'on se bat pour qu'il n'y ait plus d'équipe qui tank puis que les contrats soient plus élevés? Est-ce qu'on se bat pour l'arbitrage? Est-ce qu'on se bat pour les années de service? Parce qu'on ne pourra pas se battre sur tous les fronts. Ça, je trouve ça intéressant, mais pour revenir au cas précis de Vladimir, on n'a pas besoin de reparler de midi à 14h. Ils vont trouver une raison sur son jeu défensif ou peu importe. Et il va arriver à une date précise. Ils vont le calculer. Je ne me souviens plus exactement c'est quand. Mais il y a une date précise, puis vous pouvez être certain qu'il va être rappelé dans cette semaine-là. Ils ne feront pas la journée même, parce que si tous les journalistes disent ben, ils vont le rappeler, exemple, le 20 avril ou peu importe, ben, vous pouvez être certain que ce ne sera pas cette journée-là pour leur donner raison, mais deux, trois jours après, soudainement, on a travaillé son jeu défensif, puis voilà, il est prêt, alors qu'on sait très bien que c'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Si au moins on le ferait jouer à une autre position, on l'adopterait, tu sais, puisque tout le monde sait que Vladimir, défensivement, c'est pas Mike Schmidt, là. Fait que, tu sais, puis on sait qu'à court ou moyen terme, à moyen long terme, il va jouer soit au premier but, probablement un joueur de premier but ou un voltigeur, moi je l'ai mis au champ gauche, ou encore comme frappeur de choix. C'est ça, Vladimir. Parce qu'au troisième but, il sera pas longtemps là. Si au moins là-bas, on le ferait jouer à une autre position, mais c'est même pas ça. Je trouve ça triste. Deuxième, tu voulais parler d'Aaron Nola et les Phillies qui sont attendus 4 ans 45 millions. Ça fait pas l'affaire des joueurs également, de certains joueurs. Des joueurs puis des agents, puis je disais un article cette semaine, c'est Ken Rosenthal sur The Athletic qui amenait ce point-là, puis ça revient encore une fois à qu'est-ce que les joueurs vont vouloir négocier. Puis dans le cas d'Aaron Nola, on parle d'un lanceur qui a été dans le top 5 du Cy Young l'an passé, excellent jeune lanceur, bon, il est blessé il y a 2 ans, mais l'année passée, il a lancé plus que 200 manches. Et dans le cas des Phillies, ben on voulait éviter l'arbitrage, parce que le but des joueurs qui sont pas contents, c'est ceux qui vont dire, ben qui avait été en arbitrage à Aaron Nola, il aurait probablement eu un contrat plus haut que le 4,5 millions qui est le record pour un joueur dans son statut qu'avait obtenu, par exemple, David Price il y a quelques années. Fait que les joueurs veulent toujours avancer les causes en arbitrage. Et du côté de Nola, ben, probablement aussi que s'il avait attendu et avait été en arbitrage, il aurait été autonome plus tôt. Et s'il continue sa performance, il aurait peut-être pu signer un contrat éventuellement qui aurait rapporté pas loin de 100 millions sur la même période, alors que là, il est autour de, on dit 45 millions, mais que les bonus, ça peut aller jusqu'à 57. Et lui, ben, de son côté, Nola, c'est un peu comme on a vu Salvador Perez il y a quelques années avec les Royals. Et on a vu plusieurs contrats comme ça où les joueurs se disent, ben moi, là, je ne veux pas risquer mon futur. Là. Si je signe un contrat de 50 millions, là, puis que je me blesse le bras demain, ben j'ai mon 50 millions, puis l'avenir de ma famille et de nos générations est assuré. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et d'agents qui sont venus un petit peu pour dire, ben, tu sais, c'était pas si risqué que ça, puis il aurait dû risquer pour l'ensemble des autres. Mais en même temps, il y a un gars qui, lui, décide de se protéger parce que l'argent, c'est pas la seule valeur qu'il a de son côté. Fait que ce que ça montre, dans le fond, c'est que les joueurs n'ont pas un accord commun. Sur quoi qu'ils veulent aller se battre avec les propriétaires? Les propriétaires, présentement, ils ont le beau jeu, là. Ils regardent les joueurs aller, les agents, ça chiale, tout ça. Ils parlent de collusion. Il n'y a pas de collusion. Les propriétaires ont décidé de façon unanime dans les dernières années d'engager des têtes de baseball, mais des têtes aussi économiques. Et on a complètement revu la façon qu'on valorise les joueurs puis qu'on les paye en conséquence. Les joueurs, ça va s'adapter avec le temps. Les joueurs vont se développer différemment puis vont retrouver leur argent. Mais en ce moment, quand on regarde la bataille qui se dessine, c'est un exemple comme ça. Là, tu as des joueurs qui critiquent Aaron Nola, tu as des joueurs qui vont critiquer pour Vladimir Guerrero, puis il y a des joueurs qui vont critiquer les nouveaux règlements. Fait que c'est pourquoi tu veux te battre. Il va falloir qu'il y ait un front commun sur qu'est-ce qu'on laisse aux propriétaires et sur quoi qu'on veut se battre. Parce que présentement, quand tu regardes la prochaine négociation collective, pourquoi ça risque d'échapper? C'est parce que les propriétaires ont tellement le gros bout du bâton en ce moment que les joueurs n'auront pas le choix de se battre avec un des dossiers. Sinon, ça va probablement inévitablement mener à une grève ou à un lockout. Il n'y aura pas de terrain d'entente possible, tellement que présentement, les propriétaires ont le gros bout du bâton. J'ai hâte de voir, parce que Tony Clark, qui est le président de l'association des joueurs, il ne fait pas l'unanimité. Hein? Ouais. Tu sais, il ne fait pas l'unanimité, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Puis, à quelque part, le baseball pourrait pas aurait de la misère à s'en mettre là, d'une autre grève. Tu sais, comme Mark Griffin dit tout le temps, les gens ont d'autres choses à faire aujourd'hui maintenant. Là. C'est plus comme en 1994. Là. Il y a tellement de sports, de disciplines, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal là-dessus. Ben c'est sûr. Puis tu sais, juste pour compléter sur ce que Marc dit, puis on en parle souvent aussi. C'est même si les voteurs pour le Temple de la Renommée n'ont pas encore une fois introduit des gars comme Bounds et Clemens, et on pourra revenir quand on aura la cérémonie cet été, on va sûrement en reparler encore une fois, mais ça reste que ces joueurs-là, puis je vais exclure ces deux-là parce qu'en plus, ils n'ont jamais été accusés formellement ou trouvés coupables, mais un gars comme Mark McGwire, la course au circuit de 98 a probablement sauvé le baseball. Il y avait beaucoup de gens qui ont quitté ce sport-là puis qui sont venus rapidement à la halte. Puis avec l'explosion de la NFL au tournant des années 2000, heureusement que c'est arrivé parce que le baseball aurait vraiment coulé plus bas. Puis il y a une plus faible également au niveau du hockey. T'sais, le hockey, oui, il y a eu des arrêts de travail, mais ça ne pourra pas s'en permettre bien d'autres. On voit des franchises qui sont moribondes. On voit que l'industrie aussi, même s'ils font de l'argent, quand tu regardes des contrats de télévision, on est loin des sports majeurs. Fait qu'on voit que, comme Marc dit souvent, puis il a raison, il y a beaucoup plus d'offres là, dans le divertissement, que ce soit le sport ou autre. Tu n'as pas le temps là, de perdre du temps avec ça, surtout quand une industrie gagne et génère 7, 8, 9, 10 milliards de revenus par année. Entendez-vous? Oui, effectivement. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, ce qui va se passer, c'est dans ce qui se passe dans le baseball, on va le voir peut-être dans le hockey. J'ai hâte de voir quand ça va se poser dans le hockey, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais deals le 1er juillet. Hein? Puis ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va arriver également. Je pense que ça va faire des petits, ce qui se passe dans le baseball. Dernier point, je veux te parler de. C'est pas encore réglé, mais semble-t-il que ça va se faire peut-être. Ça va sûrement être essayé dans la Ligue des Pamplemousses, la Ligue des Cactus. On veut accélérer le match. Robert Manfred, c'est un de ses premiers défis. Et là, il y a des choses concrètes qui arrivent. 20 secondes, comme dans le baseball mineur, 20 secondes, le lanceur a 20 secondes pour chronométrer, pour lancer la balle. Aussi, un lanceur de relève devra venir affronter un minimum de 3 frappeurs. Et ça, c'est pas dans le but, évidemment, c'est pas dans le but non plus de raccourcir les matchs, mais on en parle de plus en plus, le frappeur de choix dans la Ligue nationale. On va s'en tenir aux deux premières affaires. Moi, je déteste pas ça, le but, c'est de pas dénaturer le sport, c'est ça que je veux. Ça dénaturera pas sensiblement. Un chronomètre, ça dénaturera pas. Moi, je pensais que ça allait se régler tout seul avec les joueurs dans des ligues mineures qui allaient, parce que ça se passe dans les ligues mineures, qui est habitué à ça, mais semble-t-il qu'on va l'imposer, le chronomètre. J'aime bien ça, moi. Toi? Ben, en fait, puis où est-ce que ça risque de marcher, moi, pour moi, ce bout-là du chronomètre, Dan, c'est que les joueurs des mineurs, ça fait quand même quelques saisons qu'il y en a qui l'essayent. Ouais. Puis ces joueurs-là ne sont pas tous arrivés assez long au développement d'un joueur de baseball. Fait que ces joueurs-là ne sont pas tous arrivés des majeurs. Mais quand on va emmener ça des majeurs, oui, les joueurs des majeurs vont devoir s'adapter. Mais tout le pipeline de joueurs qui arrivent par après, là, collégial et compagnie, si on met ça partout dans tous les niveaux, c'est quelque chose qui va venir se réguler avec le temps. Puis on n'en parlera même plus de ça dans 10 ans. C'est comme le 24 secondes pour lancer au basketball et compagnie. Tu peux plus t'imaginer vraiment le sport sans ça. Puis ça ne le dénature pas. Hein? Si tu lances à l'intérieur du délai, sinon tu as une pénalité. Puis, je veux dire, une vingtaine de secondes, c'est raisonnable, ça permet un rythme normal aussi. Puis, ils se sont rendus compte aussi dans les recherches qu'il y a bien des lanceurs dans le baseball majeur, puis il y a bien des frappeurs qui respectent déjà ça, là, qui ne sortent pas du rectangle et tout ça. Fait que ça va juste ramener ceux qui sont vraiment dissidents puis qui vont pogner une ou deux ou trois pénalités. Puis, c'est facile pour les arbitres, c'est pas du jugement. Il y a un chronomètre, il dépense, c'est terminé. Fait que ça va être super facile à appliquer. Quand tu aurais arrivé avec du jugement de l'officiel, tu aurais pu avoir des cas où ça aurait pu escalader. Ça, pour moi, je vois pas de problème là. Par contre, quand tu regardes les 3 frappeurs minimum, ça a été pas mal décrié aussi. Ça dénature un peu le sport parce que tu as toujours pu, à tout moment, effectuer un changement dans le baseball. Il n'y a jamais eu de restriction à quel moment tu peux changer quelqu'un. Puis pour moi, ça fait pas vraiment de sens. tu pourrais arriver puis faker une blessure, puis comment tu peux vérifier la blessure. Puis dès que tu rentres dans la subjectivité comme ça, tu ouvres la porte. Le 20 secondes, il n'y en a pas. C'est un chronomètre, il part, il finit. Tu le respectes ou tu ne le respectes pas. Quand tu arrives là, est-ce qu'il y a eu une blessure, il n'y a-tu pas de blessure, une situation particulière ou peu importe, tu te ramasses avec des zones grises facilement contournables. Dès qu'on peut en parler, moi et toi, puis trouver des zones grises comme ça, pour moi, c'est pas un bon règlement. Je pense que l'idée, par contre, n'est pas mauvaise d'y réfléchir. Puis en même temps, ça va peut-être faire peur un peu aux joueurs, parce que ça, évidemment, il y a des joueurs là, qui pourraient être pénalisés par un règlement comme ça. Tu sais, un spécialiste de gaucher qui affronte juste un frappeur, lui, sa job, c'est là-dessus. S'il faut qu'il affronte deux droitiers après, il n'y en aura plus de job dans le baseball majeur. Ouais. On va prendre quelqu'un qui est capable d'affronter les trois. Enfin, je pense qu'on veut plus faire peur aux joueurs en leur disant « Prenez le 20 secondes, dépêchez-vous plus entre les jeux, accélérez le rythme par vous-même pour vous laisser tranquille pour le reste. » Parce que là, il y a aussi le fait que les frappeurs, là, avec le trois frappeurs minimum, on touche à la poche des joueurs. Ça risque aussi de créer des accrochages. OK, effectivement. On s'en reparle dans deux semaines, Bruno. Merci, Dan. Collaborateur Bruno.